Bonsoir à tous, bienvenue dans la cinquième émission Écoutez, y'a rien à voir, une promenade sonore et culturelle proposée par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis pour voyager ensemble dans les arts et par les mots. Notre rendez-vous sera consacré ce soir à l'artiste hors norme Daniel Buren, né en 1938, suivi d'une interview de Serge Lapeyre, peintre de Saint-Leu-la-Forêt. Et à nos côtés, pour nous accompagner dans cette évasion, la voix envoûtante et la chronique à consommer sans modération de Fabienne. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio RGB 99.2 FM. Bienvenue dans un monde sans images et pourtant empli d'imagination. L'artiste Daniel Buren, peintre et sculpteur français, naît à Boulogne-Billancourt le 25 mars 1938. Daniel Buren réalise dans le monde entier des œuvres in situ, qui soulignent, contrarient ou mettent en valeur les caractéristiques des lieux qui les accueillent. Les œuvres de Buren se mesurent à un ensemble de questions liées à la perception de l'art et visent à provoquer une réponse auprès de chaque spectateur. Son art envahit l'espace pour en révéler les limites physiques, sociales, institutionnelles et esthétiques. Ni tableau, ni sculpture, ni architecture, ni vraiment décor. Chacune des réalisations de Buren renouvelle le rapport entre l'œuvre, son contexte d'installation et le visiteur. Galerie d'avant-garde recherche artiste, si possible talent, pour exposer dans la rue. À saisir de suite. Société en plein essor, recherche artiste pour écouler des chaises en tout genre. Exécutant tous travaux en vue d'embellir société en décrépitude. S'adresser aux artistes. On demande témoin, de préférence prophète. Signer la critique. Artiste individualiste faisant n'importe quoi, troublé cause prise de conscience, cherche à faire n'importe quoi mais en équipe. C'était en avril 1968. L'art n'est qu'emballage. Voilà ce que lançait Buren. Et quand la nuit tombait sur Paris, il recouvrait clandestinement plus de 200 panneaux d'affichage publicitaire sur ce qui allait être, invariablement à travers les années, son affiche à lui, son sceau. Un motif, tout simple, de bandes alternées, blanches et colorées, d'une largeur toujours égale à 8,7 cm. La rue, de toute évidence, l'attirait déjà. Cela lui valut un passage éclair dans une prison de Berne, la veille de l'ouverture de la fameuse exposition. Quand les attitudes deviennent formes, il ne changera pour autant ni de forme ni d'attitude. Et dans les années 70, on vit au contraire se multiplier les rayures du maître sur les supports les plus divers et dans les lieux où on ne les attendait pas. Vos relations avec les institutions ne manquent pas de rebondissements. L'un de ceux-ci a eu lieu à Berne en 1969, puisque vous interveniez sans être invité dans une exposition devenue célèbre, qui s'est appelée « Quand les attitudes deviennent formes ». Je me suis dit, ça c'est une exposition. Un, j'aurais bien aimé y participer, mais je n'étais pas invité. Et deux, mais pourquoi pas y participer quand même. Et je suis parti vers 10h du soir avec deux personnes qui volontairement m'ont aidé. Et toute la nuit, jusque vers 2h du matin, on a rempli quasiment tous les panneaux publicitaires de la ville de Berne. Vers 4h du matin, donc en plein sommeil, je suis réveillé par des coups intempestifs à la porte de ma chambre. Et j'ouvre et débouche deux personnes qui s'avèrent être des flics en civil et qui me pointent chacun un revolver, qui me mettent dans un coin, nu comme un verre, et qui commencent à fouiller dans la chambre, sortent évidemment de l'endroit où j'avais mis des papiers roulés qui me restaient, de la colle dans le seau, encore tout dégoulinant. Alors ça a duré au moins 5 minutes avant qu'ils comprennent que je ne comprenais rien. Ils se sont mis à parler en français et m'ont emmené illico presto à la prison. Et là, j'ai été enfermé pour le reste de la nuit. Et finalement, j'ai été libéré presque sous caution, avec la promesse que j'allais effacer tout ce que j'avais rempli pendant la nuit. Tous les papiers imprimés. Tous les papiers imprimés qui avaient recouvert tous ces panneaux publicitaires de la ville de Berne. Et dès que je suis sorti, j'ai pris le premier train et je suis rentré à Paris. Imaginez un mur austère de 3,50 m de haut, recouvert d'un vieux crépi de couleur ocre, qui est d'ailleurs abîmé par endroits. Le faîte de ce mur est recouvert d'un petit toit en V à l'ancienne, constitué de tuiles. Certaines tuiles manquent à l'appel. Une rue étroite et son trottoir sombre longent cette paroi minérale. Il pourrait s'agir de n'importe quelle enceinte d'une propriété de n'importe quelle grande ville occidentale. Mais nous sommes en 1974 à Zagreb, la capitale de la Croatie, à quelques pas de l'entrée du musée d'art moderne où l'artiste Daniel Buren présente son œuvre, Les Trois Passages. Un farceur est-il passé par là ? À l'aide de lait de papier peint, Buren a créé sur ce vieux mur un cadre monumental de plus de 3 mètres de haut et presque autant de large, emprisonnant de fait un grand panneau de crépi, rectangulaire et vertical. La base du cadre est absente, noyée, comme le suggère notre géométrisme intellectuel, dans le flot profond du trottoir courant. Le cadre s'apparente alors à un U, renversé, colossal, sur la ligne de la chaussée, et devient porte imaginaire, taillée pour des géants. Louis Reed, cette ouverture sur le néant, est composée d'une succession de bandes verticales blanches et bleues, toutes exactement de 8,7 cm de largeur. Et ces bandes, à deux temps de couleur, nous rappellent spontanément l'habillage de chaises longues, lascives au bord de l'eau, la tenue joyeuse de cabines de toile, les ardents sur la plage, ou encore le sourire rayé des stores, des boutiques, où l'on se plaît à s'attarder l'été. Bref, vous ne le voyez pas, mais le soleil est là dans vos souvenirs. Vous ne les entendez pas, mais le vent et la mer soufflent déjà entre ces lignes à deux tons de l'œuvre de Daniel Buren. Il suffit de quelques laits de papier peint à rayures blanches et bleues, placardés sur un vieux mur, pour que l'artiste matérialise devant nous l'écrin d'un passage secret, une invitation au voyage. Un espace symbolique d'évasion qui ne laissera personne indifférent. Presque une quatrième dimension où chacune et chacun pourra partir dans l'imaginaire et créer sa propre histoire. Ici, les enfants souhaiteront voir surgir un héros de nature surhumaine, seul capable de pousser la porte de pierre de 2,70 m de haut. Là, les adultes s'imagineront passe-muraille et traverseront les difficultés du monde qui les emprisonne pour trouver, de l'autre côté, la légèreté d'un paradis de l'insouciance. Le chambranle à rayures blanches et azurées de la rue de Zagreb fait partie d'une œuvre plus importante de Daniel Buren, intitulé « Trois passages » et qui fut exposé au musée d'art moderne de la ville éponyme en 1974. Pour mettre en valeur ces trois passages, sept autres encadrements de portes à rayures, blanches plus une couleur, avaient été mis en œuvre à l'intérieur du musée. Blanc et orange. Blanc et rose. Blanc et gris. Blanc et violet. Blanc et vert. Blanc et jaune. Et à nouveau blanc et orange. Ici, l'œuvre d'art n'est pas tant ce qu'elle est que ce qu'elle suggère. Elle devient prétexte aux milliers de portes imaginaires que nous pourrions passer, ouvrir ou fermer, devant ou derrière nous, sans toutefois nous en donner la clé, car c'est à nous de la trouver. Arrivé au Palais Royal, j'éprouvais tout de suite une sorte d'émotion en apercevant cet essai de ruine antique qui réchauffait un froid décor et remplaçait avantageusement les voitures des conseillers d'État. Ces colonnes, ou tronçons de colonnes, m'évoquaient les restes du portique sur l'acropole de Pergame. Mais le Palais Royal était ce jour-là un lieu de contemplation bien moins paisible. Un groupe nombreux discutait ferme, près d'une palissade, devant le microphone de je ne sais quelle station radiophonique. Un monsieur barbu agitait sa serviette de cuir en protestant que ces colonnes détruisaient l'harmonie de la cour. Un jeune homme à lunettes les défendait héroïquement. Une dame du voisinage, aussi rousse qu'indignée, criait qu'elle interrogeait les passants à longueur de journée et que 70% étaient contre. Je crus devoir intervenir dans la discussion. Je remontrai timidement que ces colonnes ne détruisaient aucune harmonie, mais qu'elles apportaient au contraire dans cette cour un peu de l'élégance architecturale de la Grèce et de l'Asie mineure, que les bandes grises verticales tracées le long de ces fûts blancs imitaient les cannelures des colonnes de jadis. Un jeune homme à bouc me demanda si je n'avais jamais vu des colonnes antiques qui fussent peintes. « Justement, monsieur, lui dis-je. Les colonnes du Parthénon étaient quand même bariolées. » Mais la dame revenait toujours à ses 70%. « Les colonnes truquées de Buren qui ont commencé de fleurir dans la cour d'honneur du Palais Royal seront achevées, c'est ce qu'a décidé le ministre de la Culture, mettant provisoirement un terme à une polémique de plus en plus vive au fur et à mesure que couraient les semaines. Le rappel des faits et les raisons de ces décisions avec maintenant Jean-Jacques Dufour. Daniel Buren, avec qui nous pénétrons en musique sur le chantier des 200 colonnes du scandale, se sentait depuis l'arrêt des travaux comme un peintre sans pinceau. Il attendait, anxieux, la décision du ministre de la Culture. Celui-ci vient donc d'annoncer que les travaux allaient reprendre, tout en précisant que, personnellement, il n'aurait pas choisi cet emplacement. En l'occurrence, les travaux ici étaient engagés, les marchés étaient passés, l'argent avait été dépensé, et l'artiste a le droit que son œuvre soit jugée in fine quand elle est terminée. J'ai donc pris cette décision. L'œuvre de Buren va donc être achevée, ici, là, dans les jardins du Palais Royal. Il faudra environ 20 jours après la réouverture du chantier pour finir les travaux. J'imagine que les adversaires du projet vont faire grise mine, car pour eux, c'est une offense au bon goût. Ces colonnes dénaturent complètement le site. Ils avaient qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Mais moi, je ne comprends pas. Pour faire des bits d'amarrage comme ça, on va pas amarrer des chalands, là, je ne comprends pas. Pour le ministre de la Culture, ce genre de polémique n'est pas forcément mauvaise. Le fait que les Français discutent de ça, les jeunes notamment, est une bonne chose. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas au ministre de dire c'est beau, c'est pas beau. Ça s'appelle l'art officiel. Par contre, qu'il y ait un débat sur l'art, me semble une chose, le fait d'un peuple vivant. Et je souhaite qu'il continue à y avoir des débats sur l'art, comme il y en avait du temps de la bataille d'Hernani, par exemple. Buren, qui joue donc en cette fin de siècle les Victor Hugo, est satisfait de cette décision. Vous avez le sentiment, vous, d'avoir défiguré le site ? Non, je crois que pour la première fois, et d'ailleurs c'est évident quand on se promène au Palais Royal, on recommence à voir ce lieu qui était quand même un lieu totalement, je dirais, mort et en tout cas ignoré par la plupart des Parisiens. Et donc ce lieu, on ne peut pas dire qu'il est ignoré aujourd'hui, et ça c'est déjà un acquis extraordinaire. Être ou ne pas être au Palais Royal, telle n'est plus la question. Cependant, j'avais le plaisir de constater que mon ami changeait tout doucement de camp devant la force de ma dialectique. Nous allâmes de l'autre côté de la cour et elle fut la première à me faire observer que ses colonnes blanches et grises étaient en harmonie avec les stores de toile que l'on voyait aux fenêtres et qui avaient des bandes de même couleur. Je lui fis observer aussitôt qu'il y avait une harmonie supplémentaire, celle du haut de l'édifice en pierre blanche avec le toit à pente d'ardoise. Bref, nous étions convertis aux colonnes de Buren, sans trop savoir toutefois si nous étions du bon ou du mauvais côté de la palissade, des goûts et des couleurs. Ah, qu'on est fier d'être français quand on regarde la colonne. C'est ce que dit le chansonnier enthousiaste lorsqu'il chantait ainsi la colonne Vendôme. Nous pouvons appliquer également ces vers à la colonne de Juillet. En tout cas, je ne vois pas que nous ayons à rougir d'être français en regardant les colonnes de Buren. Article de Roger Pierrefitte, paru dans le Figaro du 15 mai 1986. C'est aussi la nature de votre intervention au Palais Royal, la nature aussi du lieu, un lieu très central, qui peut-être a focalisé sur vous toutes les attentions, les inimitiés comme les amitiés. Oui, moi je pense surtout que c'est une très bonne pièce et que si elle était tout à fait ratée ou médiocre, on n'en parlerait pas de cette façon-là. C'est pas un socle avec dessus une œuvre, quelle que soit ou non figurative, d'ailleurs, peu importe. Ce n'est pas une fontaine avec un jet d'eau, tout ça pouvant être magnifique et marcher très très bien, mais ce n'est pas de cet ordre-là. Et donc, d'autres problèmes sont posés. Ça m'a permis de porter l'art contemporain dans un débat public. Et j'avais bien l'impression que si ce débat devait s'ouvrir, il ne pourrait s'ouvrir que dans l'espace public, pas dans le musée. Et je pense que l'un des problèmes qui n'était pas, pour moi, imaginable, mais qui, je pense, a été imaginé par la plupart des gens durant la polémique, c'était que, utilisant tout l'espace, et le spectateur ayant dans la tête ce qu'il connaît de l'art, il imaginait que tout cet espace allait être occupé par une œuvre, ce qui est vrai et faux à la fois. Ce qu'il imaginait, lui, qui est relativement vrai, c'est que tout l'espace était utilisé, donc 3000 mètres carrés. Ce qui est faux, c'est qu'il pensait que puisque cet espace est utilisé, il est donc réservé à la sculpture et c'est fini à tout jamais de pouvoir y mettre les pieds. On va pouvoir marcher autour, comme autour de n'importe quelle sculpture traditionnelle dans la ville, et que là, au lieu de nous prendre 10 mètres carrés, ils nous prennent 3000 mètres carrés et que cette prétention folle est insupportable. Et moi, bien sûr, je ne me suis pas rendu compte de cette possibilité de réflexion. Mais je suis sûr qu'elle a beaucoup joué dans la fureur de certaines personnes avant l'ouverture et la donation au public de l'œuvre une fois terminée. Et dès qu'ils se sont aperçus que c'était à eux, que les 3000 mètres carrés étaient entièrement à eux, je crois que tout a changé. Avant, c'était un parking. Mais une commande publique pour l'aménagement de la cour d'honneur du Palais Royal à Paris, lancée par le ministère de la Culture en 1983 sous l'impulsion du président de la République, François Mitterrand, une commande publique va tout changer. Le parking deviendra, sur la période 1985-1986, un échiquier géant, serti de 260 colonnes modernes aux livrées rayées de marbre noir et blanc. Et qui fera couler beaucoup d'encre. Les deux plateaux. Et le nom donné par Daniel Buren à cette installation monumentale de 3000 mètres carrés. Il s'agit d'abord d'un espace soigneusement délimité. Dans un jeu de lignes parallèles, les cases de l'échiquier géant sont matérialisées au sol par des bandes minérales, séquencées elles aussi de noir et de blanc. Quand vous entrez sur le plateau, il vous est impossible d'appréhender d'un seul regard l'ensemble de l'œuvre, puisque vous en faites partie intégrante. De plus, quel que soit l'angle d'attaque que vous choisissez pour traverser cette forêt de mâts à hauteur variable, vous ne découvrez jamais le même paysage. Vous êtes acteur sur la scène d'un théâtre à ciel ouvert, un ponton démesuré sur pilotis. Envie de circuler entre les lignes, de slalomer entre les troncs statufiés d'un jardin oublié. Invitation à monter sur autant de piédestals, à s'asseoir sur les souches de colonnes tronquées pour inventer des histoires dans un décor tout trouvé. La cour d'honneur du Palais Royal fait soudain ressurgir la cour des jeux de votre enfance, où vous vous adonnez. Si vous fermez les yeux, vous pouvez même entrer en contact avec les fondations de ce jardin cadencé. Vous entendrez chuchoter l'eau qui ruisselle sur le deuxième plateau, celui que l'on ne voit pas, mais que vous ressentez sous vos pieds. Celui que l'on surprend la nuit lorsque la place se fait tarmac et dévoile sous ses grilles éclairées la profondeur de son identité. Ligne. Perspective. Cylindre. Quadrillage. Paysage. Scène. Forêt. Échiquier. Théâtre. Sur les deux plateaux, vous êtes à la fois acteur et spectateur en libre circulation, dans un espace ouvert et fermé, austère et ludique, dépouillé et urbanisé, mais toujours sans fin et sans limite. Impossible de ne pas être séduit par la musique spatiale qui se dégage de l'œuvre historique de Daniel Buren. Voilà, pour mieux connaître Daniel Buren, l'homme aux bandes verticales qui privilégie le degré zéro de la peinture, il existe de nombreux documents retraçant son parcours et sa vie artistique. Mais nous nous proposons de consulter plus particulièrement son site internet danielburen.com et l'ouvrage de Catherine Franck-Blin intitulé Daniel Buren, publié en 1987 aux éditions d'Art Presse. Vous retrouverez facilement sur le site de Daniel Buren les visuels de l'exposition Les Trois Passages de 1974 à Zagreb et de l'installation Les Deux Plateaux réalisée dans la cour d'honneur du Palais Royal à Paris. Vous avez pu, par ailleurs, profiter d'archives sonores issues de l'Institut National de l'Audiovisuel et du film Daniel Buren de Camille Guichard, produit par les studios Terra Luna Film en 2000 et diffusé par Arte Édition. Enfin, côté musique, nous avons proposé un voyage sonore dans les partitions concrètes de Pierre Henry, avec plusieurs titres extraits du CD « Messe pour le temps présent » paru chez Philippe Classics, un enregistrement de 1968 réalisé par Phonogramme SA Paris. Il semble que vous ayez voulu être dans des endroits très variés, sinon partout, pour dire l'impossibilité de percevoir d'un point de vue unique la totalité. Oui, ça c'est certainement quelque chose aussi qui reste dans le travail jusqu'à aujourd'hui. Oui, vous êtes bien sur Radio RGB 99.2 FM au cœur de l'émission... Écoutez, il n'y a rien à voir. Un voyage sonore qui ne manque pas d'air et encore moins d'imaginaire. Et là qui va là, et là ça va pas. Oh là, je suis là. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi, moi je vous arrête. Je vous arrête là. Go, go. Gadget à main. Flash. Gadget au chapeau. Hello. Gadget au poing. Hola. Élastique au gadget. Les bandits sont là. Inspecteur Gadget. Ils n'échapperont pas. Ouh. Si l'inspecteur fait gaffe. Gaffe au gadget. Qui marche ou marche pas. Du bubatatraque. Inspecteur Gadget. V'là le chef qui est là. Ouh, ouh. Salut chef, c'est moi. Inspecteur Gadget. Ça n'en finit pas. Voilà, après l'archive sonore du générique de la série télévisée d'animation Inspecteur Gadget, diffusée pour la première fois en France en 1983 dans l'émission FR3 Jeunesse, voici le moment tant attendu de la chronique de Fabienne. Merci Philippe. Philippe, il n'y a plus de gorille au numéro demandé. Avant de parler du sphinx, ce démon ravisseur d'enfant qu'est l'iPhone, rendons-lui un vibrant hommage. Ô merveilleux gadget technologique né il y a près de 20 ans. Oui, on peut y avoir accès à la connaissance universelle. Oui, c'est un moyen formidable de communication avec le monde entier. Quel bel artifice cette intelligence. Au moment même où nous nous posons la question, et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, elle nous promet d'avoir dans l'instant présent réponse à nos questions. Mais quelle championne ! Parfois, avant même de nous avoir posé la petite question grâce à ces algorithmes, mais quel luxe ! Plus le temps de réfléchir, de chercher, de douter, de peser le pour et le contre, d'errer sur les chemins cabossés de la vie. Oui, tout y est. Le beau, le laid, tout, tout, vous saurez tout. L'encyclopédie Universalis peut aller se rhabiller. Mais avant de cheminer sur le net, une recommandation. Celle de faire le tri des informations trouvées. Le net n'est pas toujours très propre. Gardez votre discernement en éveil tout de même. Mais quel régal ce téléphone muni de ses applications APP pour les intimes. Il a le pouvoir de changer notre vie, de nous faire vivre nos passions comme jamais. Et si pendant les fonctionnalités de notre chère intelligence, l'envie nous venait de photographier notre entourage en un clic, l'affaire est dans le sac. Et si d'aventure la photo est un peu triste, notre animoji imitera toutes nos expressions faciales en les enregistrant et utilisera notre voix pour être tour à tour alien, singe, panda, licorne. Mais quel farceur! Si par erreur notre doigt glissait un jour de pluie sur l'écran, il nous propulserait dans le monde de l'audiovisuel et nous voici réalisateurs. Et si un autre jour ce même doigt se posait sur une autre touche, toujours par inadvertance, nous voici preneurs de sons, de bruits, incongrus pour peu que nous soyons dans un endroit très privé. Quelle joie de ne plus avoir à courir les disquaires pour dénicher l'album dont nous avions rêvé pendant des jours. Dorénavant, en une seconde, nous pouvons l'entendre à tout moment. En courant, en dormant, en escaladant, en dégringolant, en marchant, en mangeant, en pédalant, en volant, en pétaradant. Et si je me perds, oh, le GPS m'indiquera le chemin du retour. Ouf! Et puis il y a ceux qui y voient une dépendance, comme lorsque les téléviseurs s'étaient installés dans nos chaumières à l'époque de grand-papa, à la différence près que ce dernier ne pouvait pas nous suivre dans tous nos déplacements. Nous avions encore une petite chance de rêver oisivement dans un coin. Aujourd'hui, ce troisième cerveau ne nous quitte plus, H24. Comment ne pas tressaillir lorsque votre enfant se retrouve avec ce bijou technologique dans ses mains innocentes, remplaçant les parents dans leur rôle éducateur? Satané électronique, tu as pris le relais de la transmission. Avec l'iPhone, nous plongeons dans une saga planétaire du XXIe siècle. Notre révolution industrielle faite, nous voici de plein pied dans la guerre des gadgets électroniques de consommation de masse. Attention, mesdames et messieurs, pour la première fois au monde, le constructeur Apple a ajouté un identifiant de visage à sa caractéristique de sécurisation. J'ai nommé Face ID. Plus besoin de code secret ni empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone. Sa fonction biométrique détecte votre visage. Celui-ci fait glisser l'écran vers le haut pour le déverrouiller. Enfin, vous pouvez masser vos glandes thyroïdiennes pour leur plus grand bien. Et surtout, point d'orgue de cette histoire, le grand Face ID réglera le problème de votre fameux doigt humide. Dans notre pays, la sécurité routière prévient de son utilisation mortelle au volant et face au comportement des piétons, plusieurs villes dans le monde font le choix du réaménagement urbain, comme installer des feux de circulation au sol ou comme aménager des voies piétonnes exclusivement réservées aux utilisateurs de smartphones. Mais au fait, nous en sommes à combien de modèles chez Apple à ce jour, Philippe ? 24 modèles. Depuis sa sortie le 29 juin 2007. En septembre 2018, on comptait plus de 2 milliards d'appareils mobiles fonctionnant uniquement sur iOS 2, système d'exploitation élitiste de notre cher iPhone. Nous ne pouvons pas évoquer de chiffres sans apostropher Sa Majesté et ses camarades sur leur comportement peu scrupuleux en exploitant le travail des enfants et en pillant nos ressources naturelles rares comme le coltan. Au Congo, une guerre a fait plus de 3 millions de morts, dont l'une des causes est sans conteste l'appropriation de ce minerai. Et les ouvriers de mines sauvages sont nourris par des braconniers en viande de brousse. Bientôt, il n'y aura plus de gorilles aux abonnés, Philippe. Alors, avant de changer de téléphone portable, il serait peut-être bon de se demander si c'était vraiment nécessaire, non ? Merci Fabienne. Et dire qu'il existe des applis pour apprendre à se passer de votre smartphone, ce n'est pas un gag. Et là qui va là, Inspector Gadget. Et là ça va pas, ouh, ouh. Oh là je suis là, Inspector Gadget. Oh là oh là loi, c'est moi que voilà, Inspector Gadget. Ah ça va être la joie, ouh, ouh. Au nom de la loi, Inspector Gadget. Je vous arrête là. Notre évasion suit son cours dès à présent avec l'interview de Serge Lapeyre, peintre de Saint-Leu-la-Forêt. Mmh. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Et ce soir, nous accueillons dans notre studio Serge Lapeyre, peintre. Salut Serge. Oui, bonjour. Waouh, je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment parler de Serge Lapeyre. Oh, j'ai envie de commencer par ce petit voyage que j'ai fait dans ton atelier. Oui. Et il y avait un tableau. Oui. Sur un chevalet. Et ce tableau, on se demandait tous les deux, ce que je trouvais d'ailleurs assez drôle, on se demandait tous les deux ce qu'il représentait vraiment. Oui. Même le peintre se posait la question de savoir ce que représentait son tableau. Ben c'est vrai qu'une fois terminé, on peut se demander ce que l'on a fait en fin de compte. Ah. Ben tu sais, il y a une phrase de Paul Klee qui me vient tout de suite à l'esprit. Paul Klee disait « L'artisan sait ce qu'il va faire, l'artiste ne sait pas ». Alors on arrive au bout de quelque chose et c'est vrai qu'on se demande un peu ce qu'on a fait et surtout pourquoi on l'a fait. Quoi. C'est ça, c'est des questions... philosophiques. Philosophiques et puis qu'on se pose tout le temps. Ouais. Avec cette question bis qu'on ne posera pas à Serge, mais que je pose quand même, qui est quand est-ce qu'on sait qu'on a terminé un tableau ? Voilà. Alors, dans mon atelier, tu as peut-être lu la phrase de Braque, ouais. qui dit que le tableau est terminé lorsqu'il a effacé l'idée. Mmh. Alors, j'adore cette phrase, et c'est vraiment bien trouvé et bien vu. Voilà. Mais sur le tableau, effectivement, que tu regardais, là, que j'avais sur mon chevalet, en fait, bon, c'est difficile de montrer un tableau à la radio. Mais bon, il y avait entre autres... C'est ce qu'on fait dans notre émission, attention. Oui, mais toi, t'es plus doué que moi pour ça. Moi, je sais pas trop. Mais bon, en fait, il y avait un personnage sur un âne, et qui marchait on ne sait trop où. Oui. Voilà. Mais on parlait de ça, donc, tous les deux, et c'est vrai que... Moi, ce que je pensais, c'est qu'on voit un âne avec un personnage, mais en réalité, je ne l'ai pas fait pour montrer un personnage et un âne. Quoi. C'est un prétexte. C'est un peu un prétexte. Parce que je pense que la difficulté en peinture, c'est de montrer ce que l'on ne fait pas. Tu vois, c'est de dire aux gens, regardez derrière la peinture ce qui se passe. C'est plus intéressant que d'avoir une lecture directe de ce que l'on voit. Mais bon, c'est difficile à faire et... On réussit pas toujours, même peut-être peu souvent. La grande modestie. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est un peu inaccessible en fin de compte. Ouais. C'est une lutte permanente, quoi. C'est un peu inaccessible. On va revenir un petit peu en arrière et parce que nos auditeurs aiment bien savoir l'histoire un peu des gens qu'on invite dans le studio. Mais avant de revenir en arrière, est-ce que tu peux nous donner un nombre d'années de peinture? Oh, c'est compliqué, ça. Bon, mais je sais pas, peut-être... 35, ouais. 36... 35 ans de peinture. De production, enfin, sans arrêt, il y a eu De faire de la peinture, oui. Avec tout le temps, d'accord. Ouais, c'est beau. Mais depuis l'âge de 11 ans, je ne savais pas que je voulais faire de la peinture, mais je savais que l'image m'intéressait. Je voulais faire en fait des films, et donc c'était l'image qui m'intéressait. Ouais. Et au final, si je me souviens bien, tu n'as pas tout à fait commencé par la peinture. Non, c'est un peu tordu, mais la vie ne va pas tout droit, hein, comme on le sait, chacun et chacune. Tu m'as parlé de ton papa en disant que c'était quelqu'un à qui on désobéissait pas, entre guillemets. Voilà, c'était quelqu'un vraiment très bien. Donc, non, puis il était dans un moment assez difficile lorsque j'étais ado. Quoi, c'était un moment difficile, il était seul, tout ça. Et donc, moi, je voulais faire de la vidéo, enfin, ce qu'on n'appelait pas la vidéo à l'époque, enfin, filmer. Et bon, on m'a dit, ça mène à rien, ce truc-là, qu'est-ce que tu as fait, etc. Comme disent toujours les parents, en fait. Ouais. Ben oui. On ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Passe ton bac d'abord. Voilà, alors ils m'ont envoyé, croyant m'aider, faire de l'électronique, ce qui m'a évidemment beaucoup cassé les pieds, quoi, il faut dire la vérité. Et donc, mais comme dans toute chose, il y a toujours du bon, c'est qu'après avoir fait de l'électronique, après ces petites études, je suis allé travailler, et je peignais en même temps, mais je suis allé travailler et vendre de la musique dans des boutiques de hi-fi. Je vendais de la hi-fi, en fin de compte. Il faut imaginer Serge Lapeyre, vendeur de hi-fi, ça j'avoue que... Ben oui, mais alors c'est intéressant dans la mesure où je faisais pas mal de rencontres, quoi. Ouais. Et ça, ça a été très positif. Alors, c'est d'ailleurs à l'occasion d'une rencontre, d'une livraison chez un client, que tu as découvert ton maître en peinture. Oui. Comme quoi, ah ben voilà. Tu avais des rencontres. Et ça, c'est des signes. Enfin, moi, je crois un peu aux signes. Ça se passe comme ça. Comment il s'appelait, ce monsieur ? Jean Le Guen. Jean Le Guen. Et voilà, un jour, on me dit d'aller livrer une chenille que monsieur a achetée. J'y vais. Et puis, je suis arrivé donc, chez ce monsieur Jean Le Guen. Et puis, je vois chez lui des peintures au mur. Je suis très intéressé, quoi. Moi, je faisais de la peinture, donc j'étais très intéressé. On a sympathisé. On a tout de suite discuté. Et donc, puis il m'a dit, au fil, comme ça, en parlant, il me dit, écoutez, vous faites de la peinture, etc. Ben, je dis oui. Et bien, il me dit, si vous voulez, vous pouvez me montrer ce que vous faites. Volontiers, quoi, j'accepterai. Voilà. Et ça a débuté comme ça, des rencontres avec lui. Et en fait, c'est une personne qui m'a tout appris quasiment, quoi. Parce que la technique, très bon technicien, grand peintre, qui connaissait Talcott, le peintre Talcott. Du coup, tu as presque eu des cours particuliers. Ben oui. Parce que moi, j'arrivais avec mes dossiers sous le bras, mes peintures et mes dessins. Et il me faisait des corrections. Puis c'était quelqu'un de très modeste. Et il me disait toujours, je te donne un avis, mais ce n'est qu'un avis et c'est peut-être pas le bon. Tu vois. Donc c'était très intéressant. Voilà. C'était une grande ouverture, une grande chance, mais une belle rencontre. Comment c'était l'atelier de ce Le Guen? Ben, c'est un atelier rangé, assez rangé, oui. Mais oui, c'était rangé, mais il y avait toujours des grands tableaux. Bon, ils vendaient, c'était un peintre international, donc ils vendaient des grands tableaux. Alors moi, je rentrais là avec des grandes surfaces peintes, des grands nus, je me souviens, magnifiques. Il était semi-figuratif. Et ce qui m'est resté d'ailleurs, moi, parce que je ne suis pas vraiment abstrait et je ne suis pas vraiment figuratif. On est toujours en équilibre sur les deux. C'est un petit peu son cas, je crois. Ouais. Mais c'était quelqu'un voilà, très intéressant. Bon coloriste aussi. Mm-hmm. Alors, on avance un peu dans le temps. Mm-hmm. Je sais que tu as une charmante épouse. Oui. Et qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Au début, en tout cas. Tout le temps. Tout le temps même. Parce qu'on en vit difficilement quand même de la peinture. Hein. Vivre de sa peinture, c'est compliqué quand même. Mais ça, on le sait au départ. On le fait pas forcément, d'ailleurs. C'est pas la première recherche. Voilà, c'est ça. On se dit pas, tiens, on va faire de la peinture et on va être très bien. Financièrement, non, c'est pas ça qu'on cherche. Non, non, non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait de la peinture et on se dit, mais pourquoi je fais ça? C'est quand même. Rien ne l'oblige, personne à faire ça. Et malgré tout, il y a des difficultés. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des livraisons, etc. Et ça m'a aidé. Puis c'est vrai que mon épouse m'a beaucoup aidé, quoi. C'est évident, sinon c'est impossible. Ouais. Et aujourd'hui, tu vis parce que tu aimes la peinture, ça c'est sûr. Et, oui. et non seulement tu aimes, mais enfin, je sais pas comment dire ça. J'ai envie toujours de donner des images. Moi, je vais passer dans ton atelier et tout y est dans ton atelier. C'est-à-dire qu'il y a les tubes de peinture qui sont sur une table, il y a une toile qui est posée à un endroit et qu'on a vu il y a peu de temps sur Facebook, parce que tu communiques de temps en temps sur Facebook. Il y a un endroit magnifique où on peut aller chercher une bouilloire pour prendre le thé. On sera vite taillé de temps en temps. Je te raconte tout ça pour dire que, certes, tu peins même tous les jours, mais tu partages heureusement cette activité de peintre avec celui de professeur, entre guillemets, de peinture. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai fait une école d'art, parce qu'il était nécessaire, je pense, d'avoir une pédagogie. Parce qu'on ne peut pas abîmer les gens, quoi. Donc, moi, pour moi, en tout cas, il me fallait une pédagogie. Donc, je l'ai eu, voilà, en allant chez Martineau, notamment. Une école très intéressante, et j'ai fait de belles rencontres chez eux. Mmh. Et donc, j'ai eu cette fameuse pédagogie, et j'ai pu avoir un diplôme d'art plastique, de prof d'art plastique, qui me permet d'enseigner. Ouais. Et je donne des cours, donc, et avec les personnes, c'est un vrai partage. Et moi, j'espère leur apporter ce que je peux. Mais ils me donnent aussi beaucoup. Hein. C'est quand même un partage, parce qu'il y a une communion, quoi. Il n'y a pas de doute. C'est la communauté. Les aficionados de Serge Lapin. Oui, c'est ça. Et puis, non, il y a des personnes qui sont très fidèles et qui sont là depuis 20 ans avec moi, quoi. On est compte. Donc, il se passe forcément des choses. Ça se passe autrement. On ne peut plus tellement appeler ça des cours. Quoi. C'est un partage. Il y a des conseils. On donne des avis, des sentiments, des ressentis. Mais, bon, et voilà, de ton point de vue, tous ces gens-là ont fait de grands progrès. J'espère, oui. Non, mais si. Au vu des expositions, on le voit quand même. Ouais. Non, c'est très intéressant.

parce que dans cette école Marteneau, on a eu des professeurs, notamment un professeur qui était dans l'esprit asiatique et dans cette idée que l'art, c'est vraiment quelque chose au service de la personne, quoi. Et donc, on nous enseignait ça, et moi, j'ai vraiment plongé là-dedans. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure donc de voir derrière la peinture. D'ailleurs, j'avais fait une exposition qui s'appelait « Derrière la peinture ». Et tous les jours, retourner les tableaux. Voilà. Tourne autour comme une sculpture, ce qu'on fait des fois. Il y a c'est des amusant parce qu'en préparant le dossier sur Buren, Buren a fait ça. Il a mis ses propres toiles, entre guillemets, rayées derrière les tableaux dans une exposition. Ouais. Et je trouvais ça très intéressant. Aller voir derrière, voilà. Oui. C'est-à-dire, cet esprit asiatique qui est en fait l'esprit du vide et du plein, bien sûr, mais le vide est très important, le plein aussi. Mm. Le vide qui n'est pas un vide, en réalité. Bien sûr. C'est un espace à remplir. Ça serait trop facile. Et donc, cette idée que ce que l'on fait est moins important que ce que l'on ne montre pas, c'est-à-dire qu'il faut matérialiser le vide à un moment donné. Mm. Donc, c'est par des dessins, concrètement, ou de la peinture, de la couleur, plus ou moins. Voilà, mais c'est cette peinture et cette couleur, cette matérialisation de l'espace qui doit montrer le vide. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est assez... C'est une école. Ouais. C'est un état d'esprit, quoi. Ouais. Et moi, je suis dans cet état d'esprit-là. Donc souvent ça peut être abstrait, mais moi l'abstraction ne me convient pas complètement. Donc c'est pour ça que. C'est vrai. Non, mais voilà, après avoir regardé, moi, il y a un côté quand même expressif. Voilà. Peut-être surréaliste, des fois. Après. J'ai beaucoup aimé toute la série des Il marche. Ah oui. Ah oui. Parce que mon travail tourne autour de tout ce qui part. C'est le départ et l'absence. En fait, c'est ça. Moi, on me demande les mots clés. Oui, parce qu'on me dit, on me demande, c'est ce qu'on demande souvent aux peintres. Tu fais quoi en ce moment? Tu travailles sur quoi? Mais tu travailles toujours sur la même chose. La fameuse démarche. Voilà. Donc, on travaille toujours sur la même chose, ouais. Et c'est une chose qu'on n'a même pas choisie. Elle s'est imposée à soi. Hein, c'est comme ça. Hein, et non, j'y peux rien. Alors, c'est bien ou pas bien, mais je me pose pas la question. En fait, en peinture, on doit faire ce qu'on a à faire. Hein. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est déjà pas mal. C'est déjà très compliqué. Donc, voilà. Et ces personnages qui marchent. Et ça aussi, ça vient aussi. Le fait qu'il y ait des petits personnages. Moi, j'aime beaucoup les silhouettes comme ça. Et le fait qu'il y ait des petits personnages comme ça qui se baladent dans la peinture. Si vous voulez, ça représente l'humain, quoi. C'est un petit humain, en même temps, c'est un petit homme ou une petite femme. Enfin, ça représente l'humain. Mais dans la peinture ancienne, en Asie, notamment. Les Asiatiques, les anciens Asiatiques ne pouvaient pas concevoir l'homme sans la nature et l'inverse, quoi. C'était improbable, pour eux c'était impensable. Et donc il y avait toujours une représentation de l'humain, soit un petit personnage, genre silhouette, donc, ou alors plus dessiné, ou alors une construction de l'humain, c'est une petite maison au-dessus d'une colline, etc. Donc il y a toujours une trace d'humain. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'est resté de mon enseignement, quoi. J'aime beaucoup ça. Ouais, ce petit personnage qui donne aussi une échelle dans la toile. Et indispensable. Et voilà, s'il y a quelque chose aussi d'assez marquant dans ce que tu fais, c'est et ça rejoint ce que tu viens de dire. Moi, je suis toujours frappé par deux mots clés à moi qui vont être d'une part la sérénité, c'est-à-dire que regarder une toile de Serge Lapeyre, c'est se reposer, c'est partir en voyage, mais c'est se reposer. Donc la sérénité et l'équilibre. Ah oui, alors ça, c'est l'équilibre. Même techniquement, c'est quelque chose d'essentiel, quoi. Mais tout est équilibre, tu sais. Tout à l'heure, tu disais hors antenne, oui, alors quand je fais une exposition, je prépare tous les emplacements de mes toiles, etc. Oui. Peut-être qu'il y a l'homme angoissé derrière, mais je crois qu'il y a surtout le besoin d'équilibre. Oui, le besoin d'équilibre. Alors, pas forcément d'harmonie, parce que l'équilibre, ça ne veut pas dire harmonie, c'est autre chose. Ouais. Mais l'équilibre, oui, ouais, certainement, oui. Mais tout est équilibre. Hein. C'est pour ça que je suis entre l'abstraction et la figuration. On est toujours entre quelque chose, quoi. L'entre est très important, quoi, dans la vie des gens, je pense. Et donc, cette notion d'équilibre est très importante. Et dans la façon technique de faire, et puis dans l'esprit. Quoi. Ouais. Ouais, quand on a fini sa toile et qu'on On trouve qu'elle n'est pas complètement équilibrée. On fait quoi? Alors, est-ce que c'est, bon, c'est la grande question. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est pas terminé? Bon, alors à un moment donné, on se dit que le tableau est fini quand on le décide, hein, parce que sinon, ça pourrait être, c'est vrai, hein, quelque chose qui dure longtemps. Hein, il y a toujours quelque chose à dire, je pense. C'est comme les écrivains qui peuvent écrire leurs textes. J'imagine, pendant, ouais. Désolé, les mêmes textes. Mais bon. Bon, Philippe, c'est quelque chose. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Non, ce qu'on espère en tout cas, c'est qu'on fasse une rencontre après, quand on l'expose, parce qu'il faut bien s'exposer quand même. Donc on espère faire une rencontre. Alors c'est là aussi un petit peu pas angoissant, mais bon, il y a une petite part de suspense, parce qu'on se dit, est-ce qu'il va y avoir une rencontre ou pas, comment ça va se passer, quoi. C'est intéressant. Et il y a un peintre à ce sujet-là, oui, il y a un peintre, un artiste, enfin il fait de la peinture, mais il est philosophe, peintre. C'est Liu Fan, c'est un Coréen que j'aime beaucoup, et qui parle de résonance, d'espace de résonance entre le regardeur, disons, et le tableau. Et je trouve ça très chouette. Et là, il doit exister entre le regardeur et le tableau un espace de résonance, et qui est vraiment différent pour chaque personne, bien sûr. Donc, comment les gens vont recevoir ça, et puis comment ils vont continuer le tableau, parce que moi, c'est-à-dire qu'on pourrait même aller jusqu'à dire la façon dont le peintre peint va permettre plus cette résonance avec la personne qui regarde. La façon de peindre, la facture, vous voulez dire ? Oui, enfin La facture peut intervenir, parce que tu parlais de sérénité, la facture peut intervenir dans ce domaine-là, c'est sûr. Les couleurs aussi, peut-être, bon, tout intervient. Et puis, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent, alors c'est ça, mais c'est peut-être l'essentiel, d'ailleurs, comme toujours, c'est ce qu'on... Une manière, peut-être, de dire ça autrement, c'est... un tableau exposé dans un espace public avec un public qui passe devant, eh bien, il va y avoir personne ne va pouvoir passer devant ce tableau sans ressentir quelque chose. Et c'est sans doute une des clés de la réussite du peintre. De pouvoir permettre cette rencontre dont tu parlais. Ah, oui, d'arrêter les gens et puis de créer cet espace de résonance, comme dit La résonance peut être. La résonance peut être positive ou négative. Oui, ça tout à peut fait. Être, oui, mais ce qui est extraordinaire, mais il n'y a pas d'indifférence. Oui, oui. Ah, oui, c'est ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que chacun reconstruit le tableau à sa façon. Et c'est ça qui est fabuleux, quoi. C'est fait pour ça, je pense. Entre autres. c'est fait pour beaucoup de choses. Ça, c'est possible aussi parce que tu es justement dans cet équilibre aussi, ce fil tenu qui est entre le figuratif et non figuratif. Donc ça permet aussi de rentrer, j'ai envie de dire, plus loin dans le tableau parce qu'on est obligé de faire fonctionner notre imaginaire. Ce que représente pour moi... un espace de bleu dans un tableau n'est pas le même que celui de mon voisin ou de ma voisine. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et du coup, le même tableau raconte, comme tu le dis, des tas d'histoires différentes. Ah ben, des tas d'histoires, et chacun s'approprie le tableau, on le sait bien. Et chacun sera... continue. En fait, les personnes qui voient le tableau, qui le regardent, continuent l'histoire. Enfin, j'espère. Voilà, j'espère. Là, c'est réussi. C'est quand c'est comme ça. Oui. Est-ce que... c'est une curiosité. Est-ce qu'on peut travailler de front plusieurs tableaux? Oui, c'est possible. Hein, oui. Moi, je l'ai fait. Je le fais. Ou alors, je travaille, par exemple, des tableaux, un tableau et puis de l'encre. L'encre de Chine. J'aime beaucoup l'encre de Chine. Ça, c'est, j'adore. C'est superbe de voir ce noir arriver. Là, c'est vraiment j'en ai fait pendant quelques années. C'est vraiment un vrai plaisir. Ah oui, c'est un plaisir terrible. Et puis, il y a un résultat qui peut être très rapide aussi. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Il y a un côté éphémère, puis il y a un côté qu'on appelle hasard, mais qu'on n'est pas vraiment. Et donc tout ça conjugué, c'est très intéressant. Alors là, il y a encore un problème d'équilibre. Il faut équilibrer ce qui arrive d'une façon hasardeuse, comme on pourrait dire, et puis d'une façon plus voulue. Donc il y a un équilibre. Ah, c'est très intéressant. Et alors, tant que ça permet de pouvoir... d'alterner. Oui, j'alterne, et comme ça, c'est... J'aime beaucoup faire ça. Et quand tu es venu à l'atelier, d'ailleurs, il y avait des encres parce que j'alternais. Il y avait des encres, il y avait des pots remplis de pinceaux. Il y avait aussi des très beaux pinceaux japonais, je crois. Ah oui, japonais et chinois, des beaux pinceaux, j'aime beaucoup. Alors, ça aussi, c'est une, j'ai envie de dire une difficulté, mais il y a toujours cette problématique de l'espace quand on a un atelier. Quand on produit régulièrement, on a des toiles qui s'accumulent. Oui, l'accumulation. Oui. Et après, on fait comment? On se débrouille. Mais après, on se débrouille, je ne sais pas exactement. On ne sait pas trop. Mais ça se recycle. Il faut faire avec l'espace que l'on a. Et en fait, de faire avec ce que l'on a comme ça, sans trop de confort, on est plus créatif, je pense, parce qu'il faut faire preuve de plus d'imagination pour ceci ou pour cela, et donc ça nous permet d'aller ailleurs, et peut-être que si on avait tout le confort, enfin un peu plus de confort, le confort gâche tout, peut-être, quand même. Enfin, il en faut un minimum, hein, quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Mais c'est vrai que quand on est on recherche plus, si on a, dans mon atelier, il est petit, hein, il n'est pas très grand, comme tu as vu. Donc c'est vrai que je suis obligé d'avoir des astuces, des fois, pour des grandes toiles et tout ça, mais moi, ça ne me déplaît pas, en fin de compte. Il y a un côté Mazo, quoi. Bon, on a invité le premier peintre Mazo du Val-d'Oise. Ah non, je pense que tu dois rencontrer beaucoup. Parce que la peinture, c'est quand même quelque chose, des fois, ingrat et tout, et on peut se demander pourquoi. Ça, je veux bien, donc je veux on se demande pourquoi on peut continuer alors que c'est quand même des fois compliqué. On arrive malheureusement au bout de cet échange. Quand même, si nos auditeurs veulent voir des toiles de Serge, comment ils font? Ils peuvent aller. J'ai un site. D'accord. Voilà. Ou alors Facebook de temps en temps aussi. Ouais. Et puis des expositions. C'est quoi l'intitulé exact de ton site? Mais il est facile à trouver. Hein, ah bon. Il faut taper Serge Lapeyre. Voilà. Donc Lapeyre, Lapeyre. Voilà. Voilà, hein, pour ne pas se tromper. Et puis, comme tu nous l'as expliqué aussi un petit peu en antenne, tu n'es plus dans une période où tu fais une expo tous les trois jours. Donc, je préfère espacer le temps entre les expositions, travailler et prendre le temps. Voilà. Donc les auditeurs auront le temps d'aller voir les toiles de Serge avant d'aller voir une exposition, puisque je crois que la prochaine est prévue pour l'automne 2020. Oui, peut-être que d'ici là, je ferai une expo ou deux ou trois collectives, mais, mais sinon, j'aimerais bien faire une personnelle. Sur le site, effectivement, on a toutes les actualités quand vous faites quelque chose. Oui. Voilà, si on a envie de voir visu, faut aller sur le site. Ça doit être mieux quand même que de voir sur, sur le net. Hein. Oui. C'est préférable. Eh bien, on invite nos auditeurs à mieux connaître Serge Lapeyre. Vous l'avez entendu, c'est quelqu'un d'assez modeste, d'assez réservé. Mais d'abord, il a un grand sourire qu'on ne voit pas à l'antenne, c'est bien dommage. Et puis, il y a beaucoup d'années de peinture derrière cet homme-là. Il y a beaucoup de réflexion, il y a une grande profondeur que moi je trouve formidable et qu'on retrouve dans ces toiles. Et voilà, je suis d'autant plus touché, nous sommes d'autant plus touchés d'avoir accueilli Serge Lapeyre aujourd'hui. Merci Serge. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Merci à vous. Merci. Et bien voilà, chers auditeurs, le temps s'en est écoulé du côté de Louvre ou du Plessis-Bouchard et toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à Serge Lapeyre d'avoir répondu à notre invitation. Un coup de chapeau à Damien pour la bonne marche technique de cette 5e émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Prochain rendez-vous lundi 3 février à 19h sur les ondes de Radio RGB 99.2 FM. Écoutez, il n'y a rien à voir, un voyage sonore qui ne manque pas d'air. Et encore moins d'imaginaire. Animé par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis. Bonne année à tous.